Pourquoi dit-on que la race noble fut persécutée par Robespierre? Le 28 Germinal an 2, c'est-à-dire le 18 avril 1794, la Convention adopta un décret obligeant, je cite, « les étrangers avec lesquels la République est en guerre et les ex-nobles de tous les degrés à quitter Paris, les places fortes et les villes maritimes. Ils sont tenus également d'abandonner leurs emplois sous peine d'être mis hors la loi. » Le décret prévoyait en outre l'exclusion des nobles de toutes les institutions politiques au niveau national et local. On a longtemps vu dans ce décret la traduction juridique des propos de Robespierre ayant affirmé que l'appartenance à ce qu'on appelait alors la race noble était une tâche originelle et infamante. Pourtant, les multiples réactions qu'a provoquées cette mesure permettent de nuancer ce constat. À la suite de ce décret du 27 Germinal an 2, la Convention nationale et le Comité de salut public ont reçu de très nombreux courriers envoyés par des nobles cherchant à obtenir la clémence des autorités. Dans leur majorité, les auteurs de ces lettres appartenaient à la petite et moyenne noblesse, principalement issus des rangs de l'administration civile ou militaire. Beaucoup d'entre eux étaient engagés dans un processus d'anoblissement que la Révolution avait stoppé net, ce qui plaçait ces individus dans une position complexe, pas tout à fait noble, mais plus tout à fait roturier. L'analyse des courriers qu'ils ont adressés aux autorités permet de recenser les types de justifications qu'ils ont pu apporter pour plaider leur cause. L'une des plus fréquentes consistait à se disculper en rejetant la faute sur quelqu'un d'autre. Le cas du naturaliste Jean-Baptiste de Lamarck, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, est très significatif du désarroi dans lequel ce décret plongea la noblesse de fraîche date. Dans sa lettre aux autorités, il se présente comme un bon citoyen, soucieux d'obéir aux nouvelles lois, tout en essayant de persuader ses interlocuteurs qu'il ne fait pas vraiment partie de la race proscrite. Voici ce qu'il écrit. « Sur le point cependant d'obéir à la loi qui ordonne que les ex-nobles sortiront de Paris sous 10 jours, le citoyen Lamarck demande s'il est véritablement compris dans cette loi. En effet, il ne se croit pas réellement de la caste justement proscrite des ci-devant nobles, mais dans un temps où c'était un avantage de l'être ou de le paraître, ses parents eurent la faiblesse de vouloir passer pour noble. Autrement dit, si je suis noble, c'est de la faute de mes parents. » Beaucoup de femmes ont exploité le même registre en affirmant qu'elles avaient été mariées contre leur gré et qu'elles ignoraient le statut de leur époux. La plupart de ces lettres faisaient également appel à la compassion de leurs juges, ce qui fut finalement très efficace, puisqu'une étude portant sur un échantillon de 632 demandes d'exemption a montré que près de 80% d'entre elles avaient reçu une réponse positive de la part des membres du comité de salut public. L'analyse de ces documents d'archives montre donc l'écart qui séparait les propos radicaux tenus à la tribune et leur application concrète qui dépendait toujours des rapports de force au niveau local.